Art & Bass présente l'Open Estival 2017, 16 et 17 juin au Fort de Mont-Saint-Barœul. Deux jours de festivités, trois scènes, plus de 30 artistes comme Mati Brahma, Psychochondriac, Obsolade Radio, le Clownest Orchestra, Bajo Biallo, les Ramoneurs de Menhir et bien d'autres encore. À l'affiche également exposition, mapping 3D, live painting, spectacle de cirque ou encore de danse. Alors, rendez-vous les 16 et 17 juin au Fort de Mons, à Mont-Saint-Barœul, pour l'Open Estival, 3e édition. Informations et réservations sur www.openestival.com. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, vous êtes bien sur les 106,6 MHz de Radio Campus et vous écoutez Angle d'Attaque, une émission proposée par Attaque Métropole. Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Aux commandes, comme d'habitude, Florent, et pour animer et questionner, René dit la science et Christian, Ludovic et Louis étant retenus pour leur boulot. Et c'est bien dommage. De quoi parlons-nous aujourd'hui? De Lille et de sa métropole. Et pour en parler, nous accueillons quatre membres du collectif de GTR qui auront été expliqués sur ce vocable. Ils sont neuf en tout dans ce collectif à avoir coécrit un livre qui fera date, et je ne prends pas de risque en disant cela, Sociologie de Lille aux éditions La Découverte. Sociologie de Lille est tout juste paru ce mois et c'est sa première présentation à la radio. Une exclusivité d'Angle d'Attaque, on est très fiers. Je vous présente les quatre invités, Antonio Delfini, sociologue. Bonjour Antonio. Bonjour. Fabien Desage, politiste Lille 2. Bonjour. J'ai oublié de dire qu'Antonio était à Lille 1. Fabien Aigloire, sociologue aussi, à Lille 1, maître de conférence. C'est cela, bonjour. Et Juliette Verder, sociologue toujours à Lille 1, maître de conférence. Il y a aussi des gens de Lille 3, vous inquiétez pas, une personne de Lille 3, c'est ça. On pourra peut-être parler des autres ensuite. Le livre, je vais en dire un mot, c'est un petit livre qui nous dit que Lille avec sa métropole n'est pas tout à fait celle qu'on croit. Elle n'est pas seulement celle qu'on donne à voir surtout. Lille devenue destination touristique, Lille ouverte à la jeunesse étudiante, Lille des immenses fêtes populaires et de sa braderie, Lille conviviale parce que les nordistes sont comme ça, Lille de Saint-Saud, du Tripostal et de la piscine de Roubaix. Lille conquérante et sûre de son avenir avec Eurasanté, Euratechnologie, la Haute-Borne, etc. Lille enfin, la ville de la démocratie participative, Lille dont vous profitez, vous et moi. La métropole de Lille, avec ses 1,1 million d'habitants, a été ramenée à une autre réalité ces tout derniers jours, et demain sûrement, avec ce signe qui ne trompe pas, des taux d'abstention records dans certains de ses quartiers. Forcément les plus défavorisés, forcément où il y a plus de précaires. Sociologie de Lille est le livre qui nous fait comprendre cette autre réalité. Pourquoi, comment et d'où vient qu'il y a des gens dans la métropole qui sont devenus invisibles quand on parle d'elles et qui ensemble forment pourtant le groupe social le plus important, 45% en dessous du seuil de pauvreté. Là, tout près de nous. Vous parlez d'ailleurs de ségrégation, de groupes ségrégés. Lille, en un mot, la métropole la plus inégalitaire de France. Il va falloir vous en expliquer. C'est René qui commence avec une série de questions incontournables quand on a les acteurs sous la main. Oui, tout d'abord sur l'origine de l'ouvrage. Le collectif de Jeter, a-t-il été créé pour le livre ou est-ce qu'il existait déjà avant? Et aussi, pourquoi ce livre? Alors le collectif de Jeter s'est créé pour réaliser ce livre, même si effectivement il y avait des relations de travail, des échanges entre les collègues qui ont participé au livre. Donc les collègues, je vais les citer, puisque donc il y a les quatre présents, mais au total c'est une entreprise de 9 personnes, donc c'est quand même assez conséquent comme collectif. Donc sont absents aujourd'hui Rémi Lefebvre, Johan Millot, Frédéric Poulard, Stéphanie Prien qui effectivement enseigne à Lille 3, et Cécile Vignal qui a joué un rôle rôle aussi important en tant que coordinatrice de ce groupe. Donc ce groupe de travail autour du livre s'est constitué pour faire le livre, avec déjà le constat que d'autres ouvrages un peu comparables, Sociologie de ville, paraissaient, hein, notamment Sociologie de Marseille, qui est paru le dernier il y a à peu près 2 ans et qui n'existait pas à l'équivalent sur la métropole lilloise, sur l'agglomération lilloise. D'ailleurs, alors, dans la même collection. Alors, dans la même collection, effectivement. Donc, cette collection, c'est une collection de la découverte qui a été initiée par les Pinsons Charlot, hein, c'est important de le rappeler, par leur sociologie de Paris, qui met l'accent beaucoup déjà sur cette question des inégalités. Donc, le collectif de Jeter s'est constitué pour faire ce travail et pour mettre en commun les recherches que nous faisions, on pourrait dire, dans nos laboratoires respectifs, sur des dimensions de ces inégalités et peut-être aussi des facteurs, hein, des choses qui permettaient d'expliquer c'est la force de ces inégalités sur ce territoire, puisqu'en fait, le grand fil directeur du livre, c'est précisément d'essayer d'expliquer comment et pourquoi la métropole, l'agglomération lilloise est probablement la grande agglomération française la plus inégalitaire, en fait, si on enlève l'agglomération parisienne qui a des mécanismes un peu particuliers. D'accord. Et justement, la période de sortie du livre pendant la période électorale, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que... Oui, c'est plutôt un hasard. Hein. C'est un hasard du calendrier. Il se trouve que c'est plutôt intéressant que ça tombe à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est plutôt le processus d'édition. On a pris environ 2 ans. Bon, on a beaucoup d'autres activités à côté, hein, faut le dire. Mais on a pris environ 2 ans en collectif pour le réaliser, et ça tombe à ce moment-là, après relecture des épreuves, après discussion avec des tas de gens sur le contenu du texte. Antonio, peut-être juste dire un petit mot sur ce nom de collectif, en fait, de Jeter, oui. qui est donc le nom d'un ouvrier flamand qui est venu dans la vague d'immigration qu'on a pu connaître à la fin du 19e au début du 20e. Comme beaucoup d'autres, est venu s'installer dans les usines de fives. Lui travaillait dans l'usine de fives, plus précisément. Et il a composé la musique de l'International. Et donc, le collectif prend ce nom-là aussi sous forme d'hommage un peu au passé industriel de Lille et à toute cette histoire du mouvement ouvrier qui a été très forte ici, localement. Fabien. Et peut-être aussi un point important dans le choix, du nom de Jeter, hein, c'est que de Jeter, c'est un musicien. Oui. Il apprend la musique, c'est un musicien issu du mouvement ouvrier, issu de la classe ouvrière. Et donc voilà, c'était aussi une façon de donner au collectif le nom de quelqu'un qui fait de la culture, qui a des pratiques culturelles, puisque dans le livre, hein, on interroge notamment ces grandes politiques, ce grand événementiel culturel de l'île 2004, de l'île 3000. Et voilà, c'est aussi intéressant de montrer qu'il y a eu des formes populaires, en fait, de culture, hein, puisque de Jeter, il va créer notamment la Société de la Lyre des Travailleurs, qui va être une société musicale extrêmement active et qui est aussi ancrée dans son quartier et qui est même arrimée au mouvement ouvrier, puisqu'il va aller jusqu'à composer la musique de l'International. Oui, ça c'est effectivement très intéressant parce que pour la suite, parce qu'on peut difficilement ensuite parler de classe ouvrière avec les gens qui habitent et qui sont les salariés de bas niveau de qualification dans l'île. On ne peut plus parler effectivement de classe. Là, il y avait des comportements de classe, y compris dans le domaine culturel. Alors, vous êtes 4, donc vous n'êtes pas 9. Donc, on a essayé de poser les questions en fonction de vos spécialités. Et 2 mots nous semblent, même 3 d'ailleurs, mais René va en parler, nous semblent avoir dominé un peu les débats. C'est le mot de métropolisation et de tertiarisation. Et donc, on a d'un côté assez institutionnel, c'est Fabien De Sage qui va y répondre. Et la tertiarisation, ce sera plutôt Fabien Éloire. Donc, la métropolisation, Fabien. Alors la métropolisation, au départ, c'est on peut dire que c'était aussi une intention de départ, en fait. On était confronté, quand on s'est réunis pour écrire le livre, à un discours très fort, un discours public autour de la bifurcation métropolitaine. Alors un discours public, puis aussi un discours qui était accompagné par une partie de nos collègues, hein, donc qui pouvaient jouer le rôle de conseiller, de prescripteur, de solution pour sortir la métropole ou l'agglomération de la crise. Et il nous semblait qu'il fallait interroger, en fait, ce processus politique. Et essayer de comprendre, alors de lever le voile peut-être sur la réalité aujourd'hui de cette agglomération lilloise. Qu'est-elle devenue? Dans quelle mesure s'est-elle transformée ou pas? Comment les inégalités se sont rejouées, plutôt d'ailleurs qu'elles n'ont disparu? Et ça impliquait de réfléchir à toutes les échelles à ce processus, c'est-à-dire de le renseigner, de le documenter au niveau le plus microscopique. Hein, dans le livre, je pense qu'on en est assez fiers, en fait, il y a vraiment des encadrés presque biographiques, hein, avec des trajectoires de personnes confrontées à la précarité, par exemple, dans certains quartiers. Mais il y avait aussi la nécessité de comprendre l'édifice politique institutionnel qui a permis ou qui a favorisé, en fait, cette transformation inégalitaire du territoire. Ce que vous appelez bifurcation. Alors bifurcation, c'est pas nous qui utilisons ce terme, hein, c'est plutôt effectivement les collègues avec lesquels on entre en discussion ou en dialogue critique qui parlent d'une bifurcation. On voit bien dans bifurcation, il y a un peu l'idée d'un changement radical, hein, d'un tournant qui laisse l'impression finalement que le territoire a complètement changé et que peut-être en partie les populations qui l'habitent, les classes populaires notamment, en fait en auraient disparu. Voilà, c'est un élément fort du livre, c'est de montrer qu'aujourd'hui, cette agglomération, elle reste peuplée très fortement par les classes populaires qui se sont effectivement transformées, qui ne sont plus les classes ouvrières telles qu'elles ont pu exister de manière très consolidée, unifiée, représentées aussi par des forces politiques. Mais elles sont extrêmement présentes. Elles sont présentes, elles peuplent la ville, même si on les voit moins, elles ont été invisibilisées par ce processus. Et la métropolisation, c'est un processus politique. Hein. C'est ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est que les acteurs politiques, bien sûr, ne sont pas les uniques responsables de ce qui est advenu, mais ils ont participé très largement à cette tertiarisation inégalitaire, on reviendra dessus ensuite, notamment en mettant en place des institutions politiques, hein, qui ont contribué à pousser le territoire dans ces nouvelles directions, qui ont contribué parfois aussi à le désindustrialiser, hein, de manière assez forte et parfois même violente. D'accord, effectivement, donc ça, c'est des mots importants, c'est les bifurcations, les métropolisations, puis ces institutions qui vont participer largement à l'orientation et la bifurcation dont il est question ici. Et donc, on retrouve un peu dans le livre les éléments que tu avais développés dans la politique confisquée et le rôle qu'a pu jouer la métropole lilloise et la MEL maintenant, aujourd'hui. C'est vrai, donc il y a cet aspect, en fait, les institutions intercommunales et la MEL aujourd'hui, hein, qui a changé plusieurs fois de nom, elle s'appelle aujourd'hui Métropole Européenne de Lille, ce sont des institutions dont on méconnaît souvent le rôle. Pourquoi on méconnaît leur rôle? Parce qu'elles sont, leurs élus sont cooptés, hein. Alors maintenant on pourrait revenir sur le système de scrutin qui a changé, mais globalement c'est des institutions extrêmement peu visibles, alors même qu'elles ont eu un rôle majeur à Lille, mais dans d'autres grandes agglomérations, dans justement cette transformation du territoire, et dans les transformations fondée sur des compromis un peu atypiques. Alors maintenant, ils sont de moins en moins parce qu'on va avoir un gouvernement qui finalement essaye de faire appel au dépassement des clivages partisans, en tout cas revendique l'idée de faire des alliances entre la droite et la gauche. Mais ces alliances entre la droite et la gauche, elles existent depuis l'origine de cette communauté urbaine de Lille qui est créée en 66. Et les compromis qui vont se nouer entre à la fois la droite et la gauche, mais aussi entre les représentants patronaux, les forces patronales et les élites politiques locales vont très fortement contribuer aux transformations économiques du territoire et à la relégation, hein, des intérêts d'une partie des habitants qui sont, on pourrait dire, les héritiers de cette histoire industrielle, donc les ouvriers, les anciens ouvriers dans les quartiers populaires. Voilà, donc ces instances métropolitaines, elles ont un rôle central, à la fois comme lieu de compromis entre les groupes sociaux du territoire et construction d'un consensus au nom d'un territoire unique, hein, donc qui est dépourvu, qui est dépouillé de la diversité des intérêts présents au sein de ce territoire, hein, donc d'une espèce de grand récit de la transformation. On va revenir dessus. Antonio ? Juste pour dire, donc, il y a cette question de la bifurcation métropolitaine et son pendant un peu historique qui est la question du rattrapage. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, en fait, dans le discours sur Lille, en disant on est en train de rattraper un retard, on a une agglomération qui était très pauvre, qui était vraiment en difficulté, et aujourd'hui on est en train de rattraper ce retard. Et nous, on remet en question un peu cette vision un peu linéaire où on partirait d'une agglomération très pauvre avec un rattrapage, en disant les inégalités aujourd'hui, elles se reconfigurent, elles prennent une nouvelle forme. On n'est pas en train d'effacer les inégalités, on n'est pas en train de mettre de côté la pauvreté. La pauvreté, elle prend de nouvelles formes, quoi. Donc voilà, c'est bifurcation et rattrapage, c'est deux choses qu'on essaye de questionner. On va passer à Fabien Éloire. On reviendra sur cette question très forte que pose Antonio avec Fabien sur la tertiarisation. Alors, c'est tertiarisation plus métropolisation égale bifurcation. Mais pour l'instant, c'est l'aspect plutôt économique, mais c'est un sociologue qui parle. Oui, tout à fait. C'est un autre processus. Hein. L'idée de tertiarisation, c'est l'idée de processus. Donc, qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est que on change de structure d'emploi. On passe d'emploi industriel à des emplois plutôt tertiaires. C'est ça qu'on appelle la tertiarisation. Et donc, il y a beaucoup de choses à questionner sur ce processus. Je donne quelques chiffres. En 1975, on avait 52,2% d'emplois tertiaires dans l'agglomération. En 2012, on en a 87%. Il s'est effectivement passé quelque chose. Si on regarde en termes de taux d'évolution, et plus intéressant encore, si on regarde, si on compare l'agglomération lilloise à d'autres agglomérations comparables, ce qu'on fait dans le livre, on constate qu'on a un taux d'évolution de 43% de l'emploi tertiaire entre 82 et 2012, mais que ce taux est plus faible que dans la moyenne des autres agglomérations comparables, qui est de plus 64%. Donc on voit bien qu'on doit questionner cette idée du rattrapage métropolitain de Lille. Alors la tertiarisation, c'est quelque chose qui est mis en avant, qui est valorisé par les médias, par les politiques, puisque c'est des politiques volontaristes. Mais nous, ce qu'on montre, c'est que ce qu'on met en avant n'est pas forcément l'ensemble de la tertiarisation de la métropole, de l'emploi dans l'agglomération, puisque effectivement, ce qu'on met en avant, c'est le tertiaire hautement qualifié, les nouvelles technologies, la santé, la recherche, qui sont effectivement, qui peuvent être effectivement vus comme des réussites de la part de ceux qui les ont mises en place. Mais en réalité, si on regarde dans les 87% d'emplois tertiaires, ça représente en fait une très infime partie de ce qui se passe. Et la tertiarisation, en fait, elle a une face cachée dont on ne parle pas, qui est beaucoup moins célébrée. Et c'est tout ce volant d'emplois dans le commerce, dans les services à la personne, dans les services marchands, la manutention, le gardiennage, la sécurité, les centres d'appel, etc., les employés de bureau dans les administrations. Donc tout un ensemble d'emplois qui ne sont pas spécialement valorisés, qui sont parfois aussi même difficiles. Et cette tertiarisation, autre chose qu'on ne voit pas, c'est qu'elle s'accompagne de formes de précarisation et de formes de précarisation plus poussées que dans les autres agglomérations de même envergure. L'emploi est plus précaire, plus de taux de CDD et d'intérim. L'emploi est beaucoup plus souvent à temps partiel. Ça touche qui ? Ça touche les moins diplômés. Ça touche les femmes. Hein. Emploi tertiaire, c'est aussi l'emploi plus féminisé. Hein, le secrétariat, la santé, etc. Voilà. Et alors, le problème de cette tertiarisation, ce que nous, on essaye de montrer, c'est qu'il y a un décalage entre cette tertiarisation et puis la désindustrialisation. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est que aujourd'hui, ce qu'on regarde quand on regarde les chiffres du chômage, qui est au chômage ? Ce sont les ouvriers. Oui. Pour être clair, elle a commencé quand cette bifurcation, en fait, cette tertiarisation ? Ça, c'est un processus qui est très long. Qui est encore en cours, j'imagine, oui. Et qui est toujours en cours tant qu'il y a des emplois ouvriers qui disparaissent, puisqu'on voit qu'après la crise de 2008, on perd encore des emplois aujourd'hui, des emplois industriels, alors qu'on a des ouvriers au chômage. Donc il y a ce décalage. René. Peut-être aussi que le secteur tertiaire se transforme lui aussi en permanence, qui amène certain nombre de personnes travaillant dans le tertiaire à se retrouver à leur tour précarisées ou... Oui, alors on prend cet exemple qui est très intéressant, qui est, je ne sais pas s'il est anecdotique en termes de chiffres, mais en tout cas il est intéressant pour montrer le processus. C'est que par exemple une part de l'emploi tertiaire est dans le commerce, et ce sont bien souvent des vendeurs, des chefs de rayon, des caissiers et des caissières, et on a ce processus que tout le monde peut voir, c'est le remplacement des caissières par les caisses automatiques. Et donc, on a d'une part ce décalage entre emploi ouvrier et chômage. Et en plus, dans l'emploi tertiaire, on a une tendance au remplacement aussi et à la baisse de l'emploi tertiaire. Voilà. Et en plus, on peut ajouter qu'en fait, cette tertiarisation n'a pas remplacé l'industrie en termes de nombre d'emplois et aussi n'a pas permis, ou alors très imparfaitement, la réinsertion des laissés pour compte de l'activité industrielle qui disparaissait, enfin des ouvriers, on dira. Voilà. C'est ça, tout à fait. C'est effectivement, il suffit par exemple de prendre la partie valorisée de l'emploi tertiaire, donc l'emploi hautement qualifié dans les nouvelles technologies. On voit bien que c'est très intéressant d'avoir ce type d'emploi, de ce type d'activité. Mais on voit et en plus, c'est intéressant aussi de les installer, d'installer ces bureaux, ces start-up dans les anciennes usines. Mais on voit bien que cette nouvelle activité ne sera jamais aussi gourmande en emploi qu'a pu l'être le textile. Donc il y a bien là un véritable décalage, hein, symboliquement, mais aussi dans les chiffres très concrets. Alors revenons d'un mot un peu sur l'histoire, parce que tu viens de parler du textile, donc on va parler peut-être aussi des orientations du capital issu de l'industrie textile. Oui. Alors, effectivement. Donc, ça, c'est très intéressant aussi à noter, puisque nous, quand on parle de crise, on fait très attention à parler de crise de l'emploi textile, puisque on peut pas dire qu'il y a une crise des capitaux textiles. En fait, le patronat, avec ses capitaux textiles, issus du textile, eh bien, d'une manière générale, reconverti ses activités. Il a reconverti ses activités avec une certaine réussite. Hein. Tout le monde connaît effectivement ces entreprises de la VPC, alors qui sont nées il y a très longtemps, mais qui se sont largement développées et vers lesquelles les capitaux ont été réorientés. Les patrons textiles ont créé aussi des activités d'assurance, des activités de crédit à la consommation. Et ils ont effectivement beaucoup investi dans le commerce et notamment, dès les années 60, dans la grande distribution. On peut parler aussi de l'hôtellerie, de l'ameublement, de l'agroalimentaire. Dans le livre, on cite effectivement un certain nombre d'exemples que tout le monde connaît. Oui, Fabien de Sage. C'est juste un des contrastes, en fait, duquel parle le livre et l'intention du livre. Hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une ville de Roubaix qui est aujourd'hui la ville la plus pauvre de France du point de vue de nombreux indicateurs, hein, du revenu médian par unité de consommation, du point de vue du nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 45% de la population à Roubaix, et en même temps, une ville dont sont issus deux des cinq plus grandes fortunes françaises. Hein, donc ça veut dire donc Bernard Arnault, hein, VMH, Bernard Arnault, c'est un Roubaisien qui va hériter en partie d'une petite entreprise textile, mais dont il va profiter très largement du tournant financier, hein, de la financiarisation du textile. Ça a été très bien montré dans le film de Ruffin, Merci Patron. Hein, on voit bien Boussac Frères, etc. Ça fait partie de l'empire textile sur lequel Arnault va construire sa fortune. Et bien sûr, les Mulliez, qui sont eux-mêmes des héritiers d'une entreprise lainière, hein, Fildar, qui vont recomposer. Donc, c'est un point extrêmement important qu'on a voulu souligner dans le livre, c'est que ce qui caractérise encore une fois cette agglomération, ce sont ces inégalités, et donc ces inégalités, il faut les voir par le bas, mais aussi par le haut. Hein, c'était une rupture, c'est-à-dire c'est pas la pauvreté qui caractérise essentiellement ce territoire, mais vraiment la construction dans l'industrialisation d'inégalités fortes qui ont été reproduites ensuite et qui ont été reproduites aux deux pôles, hein, c'est-à-dire à la fois parmi les classes populaires et aussi du point de vue de ceux qui ont accumulé et qui ont réussi assez bien, comme le disait Fabien, à convertir en fait leurs capitaux, même si ça a entraîné des reconfigurations familiales sur lesquelles on revient un peu aussi dans le livre. C'est des choses que les auditeurs de Radio Campus connaissent bien, hein, pour être souvent renseignés sur cette antenne. Bon, d'accord. Mais je posais quand même la question, je pense que c'est important. Oui, non, en effet, ces questions sont au cœur de notre problématique aussi, de votre problématique plutôt. Et je voudrais revenir sur ces questions donc, des grandes familles qui, elles, ont réussi leur reconversion, à l'inverse de leurs salariés, si on a bien compris. Bien, on va peut-être aborder... Justement, cette reconversion, cette tertiarisation qui est portée à la fois par les industriels et par les décideurs politiques, c'est un choix vraiment délibéré, ou alors est-ce que c'est en fait sous la pression de la mondialisation néolibérale, de la promotion des grandes métropoles qui sont d'ailleurs mises en concurrence? Et en même temps, les décideurs, les industriels sont même s'ils en profitent, mais en même temps, ils sont poussés par ce mouvement à. C'est une bonne question, forcément. Puis c'est quelque chose qu'on nous oppose, qu'on peut opposer souvent. C'est-à-dire, on a essayé de faire un pas de côté en fait dans le livre, parce que l'explication la plus commune de ces processus, c'est souvent une explication exogène. C'est l'idée que ça vient du dehors. C'est l'idée qu'il y a une compétition internationale qui va pousser effectivement les acteurs à se transformer. En l'occurrence, ça sous-estime beaucoup les dynamiques endogènes. C'est-à-dire que ces choix-là, il faut aussi que les acteurs politiques locaux, les acteurs industriels se convainquent aussi en fait qu'il y a une nécessité ou pas à transformer leur capital, les façons d'accumuler du capital. Et ce qu'on voit, c'est effectivement que dans un premier temps, dans les années 60, il y a une partie du patronat textile qui essaye de faire perdurer en fait son activité, qui va le faire d'ailleurs plutôt d'abord en jouant sur le coût de la main-d'œuvre notamment. Donc il ne va pas le faire prioritairement en utilisant des formes de nouvelles technologies, en faisant de l'investissement concrètement, mais ils vont plutôt le faire en essayant de jouer sur le coût de la main-d'œuvre, ce qui va notamment aboutir aux vagues migratoires les plus récentes, où la main-d'œuvre la plus récente est aussi la moins bien payée, aussi la moins bien logée, etc., qui va permettre de maintenir les coûts de production assez bas un temps. Et c'est là, dans les années 60, et puis ça, on a des travaux qui documentent ça, au sein de la bourgeoisie textile elle-même, il va y avoir des clivages entre une partie de la bourgeoisie qui va réinvestir assez précocement dans l'immobilier, dans le tertiaire, et une autre qui va davantage essayer de maintenir éventuellement des fleurons industriels. Et ces acteurs-là, à un moment donné, ils vont rencontrer la volonté de l'État, de l'État français, qui va être aussi un acteur important du tournant tertiaire, de la métropolisation, et des élus locaux, qui, pour une grande partie d'entre eux, dans les années 60, fin des années 60, 70, vont progressivement enterrer cette activité textile, considérer qu'elle est condamnée, pousser le territoire à se reconvertir. Faut toujours avoir à l'esprit que ce ne sont pas des processus inéluctables. Et il suffit de regarder de l'autre côté de la frontière, de regarder la situation en Belgique, en Flandre, où paradoxalement, la main-d'œuvre flamande qui est venue peupler les usines textiles du nord de la France et qui a contribué très largement au développement du textile, eh bien aujourd'hui, on est une situation complètement inversée où effectivement la région de Courtrai et la Flandre occidentale est une des régions les plus riches d'Europe et qui a notamment maintenu un appareil industriel très très fort, avec le fait que les ouvriers d'ailleurs de l'agglomération lilloise vont maintenant travailler, très souvent sont des transfrontaliers qui vont travailler dans les usines belges, ou pour X raisons d'autres choix économiques avec une structure du capital un peu différente et d'autres choix qui ont été faits à la même époque en fait. Et un bel exemple avec la filature Saint-Liévin, qui est le groupe Meulier. Je ne sais même pas s'il existe encore, la filature Saint-Liévin, non. Elle est restée très longtemps quand même à côté des activités déjà d'Auchan et autres. On peut peut-être passer, René, à la deuxième série de questions. Donc on va interroger sur la question des inégalités observées dans les quartiers. C'est Antonio qui demande de l'aide. Oui, sur cette question-là, effectivement, c'est ce qu'on montre, c'est que cette métropole qui est très inégalitaire, ça, cet aspect social, il se traduit très concrètement en fait sur le terrain. C'est-à-dire que on peut aller faire des balades dans la métropole et en très très peu de temps passer de quartiers très riches à des quartiers très très pauvres. C'était André Diligent à Roubaix qui disait Roubaix, c'est Harlem et la 5e avenue. Et c'est exactement ça, en fait. On passe de Barbieux au Pile, Et on passe de deux mondes qui sont complètement différents. Et donc, voilà, des choses qu'on peut retrouver aussi à l'intérieur de la ville de Lille. Hein, on est sur des choses assez semblables. Et donc, voilà, on essaye de décrire ça un peu dans le premier chapitre, notamment en montrant tout ce que cette ville doit à son héritage du passé, à toute son histoire industrielle. Et donc, on a effectivement des quartiers qui sont construits autour d'une usine, avec de l'habitat populaire qui est fait de courées, qui est fait de petites maisons ouvrières. Et puis de l'autre côté, de grandes avenues qui ont été construites au 19e siècle, quand on a commencé à essayer de réagencer un peu l'agglomération. Et là, avec de très grandes demeures, et on passe du tout au tout sur cette agglomération. Et on ne le sait peut-être pas assez, parce qu'on est peut-être beaucoup dans les quartiers populaires. Quand on fréquente Lille, on est peut-être un peu plus dans les quartiers populaires qui sont encore un peu à l'intérieur de la ville. Mais on ne va jamais à Croix, à Beaumont, on va très peu à Barbieux, on ne va jamais au domaine de la vigne. Et donc ça, c'est des endroits qu'on connaît en fait assez peu. Oui, en effet. Et je faisais le constat, pour avoir fréquenté ces lieux récemment beaucoup, pendant les élections, quelqu'un qui entre dans l'île, par l'île sud, il n'a pas exactement l'image qu'on donne de l'île, effectivement. Hein, c'est très net. Et en deux stations de métro, on est au cœur de l'île. Enfin, on est dans le centre, on est près de la Fnac, du Furet, etc., des magasins de luxe, etc. Ça, c'est quelque chose de... Est-ce que c'est typique à Lille, ça, ou est-ce qu'on le retrouve ailleurs? Alors, en tout cas, c'est vrai que souvent on confond. Il y a un discours assez répandu autour de Lille, hein, qui voudrait qu'en fait il y a plus de mixité sociale que dans d'autres grandes agglomérations. Et donc là, on confond souvent quand on dit ça. En fait, on confond la proximité spatiale et la distance sociale. Hein. Il y a des auteurs importants en sociologie dans les années 70 qui ont bien montré ça, qu'en fait c'est pas parce qu'on habite à côté de quelqu'un qu'on a la moindre raison d'entrer en contact avec cette personne ou de partager autre chose qu'une espèce de situation géographique. Donc, ce qui est peut-être caractéristique, c'est une relative, effectivement, densité hein, de urbaine, en tout cas pour ces espaces centraux de l'agglomération lilloise. Hein, Lille, comme Roubaix ou Tourcoing, et à certains égards, le Grand Boulevard qui les relie, ce sont des zones urbaines assez denses, même s'ils sont au sein d'une agglomération qui comporte encore des espaces moins denses, périurbains. Donc, je dirais que probablement, ce qui est frappant, c'est que les contrastes sont d'autant plus forts que la distance est faible. Hein, et donc, effectivement, entre les beaux quartiers de Vauban ou du Vieux-Lille et puis les quartiers de l'Île-Moulin, on peut s'y rendre en 15 minutes à pied, quoi. Et donc, dans d'autres espaces urbains, je pense par exemple à la région parisienne hein, ou à d'autres grandes villes, ou à Lyon, à l'espace lyonnais, on a des distances plus grandes, en fait, entre les quartiers, hein, entre les quartiers pauvres et les quartiers riches. C'est aussi une des dynamiques de périurbanisation de l'agglomération lilloise. Hein, c'est-à-dire que la stratégie résidentielle des classes privilégiées a été depuis les années 50 et 60 de s'éloigner en fait des quartiers pauvres duquel ils étaient relativement proches hein, autour de la ville usine quoi hein, qui avait ces espaces résidentiels et d'ailleurs c'est un point un peu ironique hein, c'est qu'une partie de la reconversion de l'industrie textile va se faire autour de l'immobilier et va se faire autour de cette dynamique d'éloignement des populations des villes centres hein, donc le domaine de la vigne Brigode. Ce ne sont pas des projets immobiliers avec des acteurs immobiliers nationaux ou internationaux. Ce sont des acteurs régionaux, patronaux issus du textile qui vont fabriquer ces grands lotissements à destination des cadres. Oui, Antonio. Non, peut-être juste pour dire aussi, il y a des distinctions après à l'intérieur des quartiers populaires. C'est-à-dire qu'on a des quartiers populaires qui sont constitués principalement d'un habitat social qui a été construit dans les années 60-70. Donc c'est des bars, des tours HLM. Et puis on a aussi beaucoup, alors c'est ce qu'on essaye de montrer sur la couverture du bouquin, enfin c'est ce qui illustre assez bien la couverture du bouquin, c'est qu'on a des quartiers populaires qui sont avant tout des quartiers industriels qui ont été construits au 19e, au 20e, et dans lequel il y a encore aujourd'hui ici beaucoup de la population des classes populaires qui habitent à l'intérieur de ces quartiers-là. Et donc il y a des distinctions, et après même en fonction des politiques urbaines, on a des politiques qui sont différentes suivant qu'on vient s'attacher ou à de l'habitat social ou à de l'habitat ancien. FIV Lille est exemplaire dans le domaine, dans l'occurrence. Voilà, FIV, c'est un très bon exemple de ça, un quartier populaire qui est encore dans un habitat qui est quasiment construit au 19e. autour de Fifth Kai Bangkok. Hein, exactement. On va passer peut-être aux ségrégations urbaines avec Juliette, qui va parler du logement et du logement bourgeois, dont on a un peu, qu'on a un peu évoqué, du logement moins bourgeois, qu'on vient également d'évoquer. Ces ségrégations, comment elles sont, comment vous les avez appréhendées, sur quelle base, avec quels outils? Et non, c'est pas vous. Mais alors, on est plutôt dans le qualitatif, là, dans ma question. Hein. Ce qu'on a pu montrer dans l'ouvrage, c'est que on sait, effectivement, il y a une approche aussi géographique et spatiale, hein, et qui montre effectivement que on retrouve du coup, enfin, ces inégalités sociales, elles sont situées à des, enfin, elles s'illustrent dans une carte avec effectivement du coup des quartiers très populaires, très précarisés, très défavorisés socialement, et des quartiers très riches. On a parlé de Brigode, de Bondu, etc. Et on va retrouver en fait cette carte des inégalités à partir de plusieurs effectivement entrées sur la question effectivement du travail, du chômage, effectivement dans les zones de Roubaix-Tourcoing, l'île sud, où le chômage va être plus fort, va toucher fortement notamment les catégories populaires. On a essayé aussi de le montrer à partir de la question scolaire, où on voit que finalement l'école, elle subit ces inégalités spatiales, mais elle contribue finalement aussi à les reproduire, puisque les enfants vont être finalement scolarisés dans des contextes scolaires très différents selon qu'on est au centre de Lille, dans une commune périurbaine ou effectivement au centre de Roubaix. En effet, en plus de son histoire, je pense qu'elle, ça fait partie de l'histoire de Lille et de sa métropole, c'est quand même la métropole française où il y a le plus d'enseignement supérieur, plus d'écoles d'enseignement supérieur. Je crois que c'est plus que Lyon. Mmh. Avec trois écoles de management ou d'écoles de commerce, etc. René. Et aussi, on peut signaler l'importance de l'enseignement privé. Alors tout à fait. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec le passé historique et industriel de l'agglomération, puisque en fait les grandes familles bourgeoises industrielles ont contribué fortement à la construction de ce secteur privé d'enseignement, aussi bien effectivement dans le primaire, secondaire, mais aussi dans l'enseignement supérieur, hein, avec des vues différentes, puisque d'un côté on va former plutôt les enfants de la bourgeoisie et de la reproduction, la voilà, et donc avec des écoles, puisque c'était une bourgeoisie catholique qui avait justement des valeurs aussi catholiques qu'elle voulait transmettre à travers cette école. Et donc, il y a eu des luttes, notamment au XIXe siècle, pour asseoir aussi un enseignement privé supérieur important à Lille, qui s'est développé d'ailleurs quasiment avant l'enseignement privé, enfin supérieur public, hein, puisqu'il y avait là des luttes entre les autres grandes villes universitaires de la région. Et donc, avec la création, effectivement, de ce qui est maintenant la Cato, de tous ces instituts, ces grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. Mais effectivement, finalement, le patronat, par l'intermédiaire aussi des conseils municipaux où ils étaient présents également, a aussi finalement travaillé pour le développement de l'enseignement supérieur public, qui permettait aussi là de former aussi les ingénieurs nécessaires pour l'industrie. Et également, il y a eu aussi une volonté, finalement, d'adapter aussi les formations. Bon, ça se voit aussi dans d'autres villes, hein, aux caractéristiques de l'industrie. Donc, avec des formations sur le textile, notamment, mais aussi sur la mécanique, pour accompagner la mécanisation, développement industriel, enfin, de la technologie industrielle dans le secondaire, pour les ouvriers également. Avec, là aussi, une volonté dans le privé, enfin, dans le secteur confessionnel catholique privé, de vouloir aussi encadrer cette population ouvrière à donc travers les enfants. De la morale chrétienne, voilà. Selon le patronat. Voilà, à la fois pour les futurs patrons, mais aussi pour les ouvriers. Y compris la maîtrise. Alors, il y a aussi cet événement qui m'a semblé intéressant, même si c'est une incise par rapport à l'ensemble du bouquin. Vous faites partie, Juliette, du collectif Rosa Bonheur. Oui. Et donc, non, mais c'est important parce que je pense qu'il y a aussi, aussi dans ces questions, dans ces endroits ségrégés, une façon de sortir de cette ségrégation, de créer son propre emploi, de créer des collectifs. Et à Roubaix, je crois, c'est notamment que vous êtes présente. C'est intéressant que vous développiez un peu cette... Donc là, effectivement, le collectif Rosa Bonheur travaille plus sur l'agglomération roubaisienne directement. Et le but, c'était de montrer, effectivement, dans ces territoires désindustrialisés, comment les milieux populaires, les classes populaires, arrivent finalement à s'en sortir en essayant justement de ne pas avoir une approche... misérabilistes comme étant des personnes assistées, etc. Mais de montrer qu'en fait, il y avait de l'activité. Et c'est pour ça que nous, on l'approche aussi sous le terme de travail, de montrer qu'à côté du travail salarié qui disparaît progressivement, eh bien, les personnes produisent une autre type de travail pour arriver justement à survivre, hein, concrètement aussi, c'est-à-dire à pouvoir subvenir aux besoins, à rechercher des ressources, à faire vivre la famille. Et donc, on voit à la fois qu'il y a ce travail qui se développe parfois, effectivement, au seuil de la légalité. Alors, ce n'est pas le commerce de la drogue obligatoirement, mais c'est des activités légales, illégales, comme par exemple ce qu'on a travaillé sur tout ce qui était le travail autour de la voiture, de la mécanique de la voiture, où on montre que c'est un secteur économique qui vit à la, qui vit à la fois sur le formel et l'informel, et qui permet, effectivement, là aussi, de produire des ressources et de s'en sortir. Ce qu'on montre également, c'est que finalement, on s'aperçoit que il y a la possibilité finalement de trouver des ressources aussi à Roubaix parce que il y a finalement une interconnaissance aussi populaire, il y a de la sociabilité qui permet aussi de s'appuyer les uns sur les autres, de produire du collectif qui n'est pas obligatoirement un collectif visible de résistance, qui est un collectif plutôt quotidien d'entraide, qui permet là aussi finalement de survivre, de vivre déjà complètement. Ce qu'on montre aussi, c'est finalement, c'est que le milieu... Les classes populaires, elles sont aussi très différenciées, ce que disait aussi Antonio tout à l'heure, hein, c'est qu'on voit qu'il y a des logiques aussi différentes à l'intérieur de ce milieu populaire qui est finalement aussi très, très hétérogène d'une certaine façon. Enfin, très... Ne bousculez pas le micro. Pardon. Ça va s'entendre. René, une question ? Ça va. Bon. Alors, moi, je crois que il nous reste encore un peu de temps. Lille, Roubaix, Tourcoing ont été une capitale internationale à une époque. Est-ce que, en faisant un peu de prospective, est-ce que Lille métropole européenne veut reprendre cette place ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous avez réfléchi à ces questions-là ? Juste un tout petit élément de réponse. C'est quelque chose que je me rends compte qu'on a oublié de dire. Hier, on faisait une présentation de l'ouvrage à l'entre-deux à Lille et qu'on a oublié de dire à ce moment-là. La particularité de l'agglomération, c'est aussi que la ville qu'on désigne, on dit sociologie de Lille, mais Lille, en fait, dans cette agglomération, elle a une place très marginale. Elle fait, je ne sais plus le chiffre qu'on avait dit, je crois que c'est autour de 20%, alors que les autres agglomérations françaises font généralement entre 40 et 80% de la population dans la ville qui donne le nom à l'agglomération. Et nous, en fait, ici à Lille, et donc... De fait, on a une histoire de cette agglomération qui est particulièrement marquée par ça. Hein. Oui. On a Lille, Roubaix, Tourcoing, on a une multitude d'autres communes à l'intérieur. Et ce qui fait que on a tendance à donner un poids très important à Lille, alors que Lille, en fait, ne recouvre pas la totalité de la réalité de l'agglomération, loin de là. Oui. Et donc, notamment, les enquêtes sur Roubaix sont des enquêtes qui sont très importantes, parce qu'effectivement, à Roubaix, on ne vit pas comme à Lille, quoi. Je pense en même temps que sociologie de la métropole de Lille serait moins payée que sociologie de Lille. Fabien. Peut-être aussi pour répondre à la question sur l'internationalisation. Alors, c'est une question intéressante parce que ça fait vraiment partie de la rhétorique politique, de la ville imaginée, en fait, hein, par les élites, notamment politiques et économiques locales. C'est l'idée qu'en gros, on œuvrerait aujourd'hui pour l'internationalisation, la centralité européenne de cette cette ville. Et c'est effectivement très paradoxal, parce que quand on regarde notamment le sort de ces grands projets, hein, des grands projets dont on parle aussi dans le livre, de Ralil, etc., en fait, ce sont des projets qui se sont largement développés à partir de l'appui de ressources nationales et de ressources locales. Hein, et donc, les grandes entreprises attendues qui devaient délocaliser leurs sièges internationaux à Lille, en fait, ne sont pas venues la plupart du temps. Ce sont plutôt des entreprises qui peuvent être des entreprises locales qui ont une envergure mondiale, hein, mais ce sont plutôt des entreprises locales qui sont venues peupler ces bureaux. Alors, c'est très paradoxal parce qu'effectivement, si on remonte un peu dans le temps, on peut dire qu'à bien des égards, la métropole lilloise était beaucoup plus internationalisée et avait un rôle beaucoup plus important sur la carte mondiale au début du XXe siècle qu'elle n'en a aujourd'hui, en fait. Hein, donc, ces politiques d'internationalisation, et ça, on rejoint effectivement ce que peuvent dire nos collègues qui ont travaillé sur Marseille, hein, qui voient des dynamiques assez proches, Marseille, capitale de la culture, internationalisation, qui montrent que du point de vue des échanges démographiques aussi et économiques, en fait, ces agglomérations se sont plutôt provincialisées, hein, c'est-à-dire qu'elles dépendent aujourd'hui essentiellement d'activités internationales réduites au tourisme. Faut quand même voir qu'on est dans une agglomération donc, qui a eu un rôle extrêmement important du point de vue industriel, mondial, mais qui a eu aussi un rôle du point de vue des migrations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'avoir une politique d'internationalisation qui vise en quelque sorte essentiellement la venue des touristes et de quelques capitaux, alors même que on est dans une agglomération qui s'est juste construite et bâtie en grande partie sur l'immigration de travail et sur le développement d'activités de travail qui elles-mêmes étaient très internationalisées, hein, autour du commerce de la laine ou du textile. Donc c'est un paradoxe intéressant sur lequel parfois effectivement les élites locales et patronales, voilà, il y a une espèce de désajustement encore une fois entre ce qu'ils imaginent probablement être cette internationalisation, ce qu'ils en attendent et ce qu'elle produit réellement. Roubaix était, je crois, une des bourses de la laine au niveau mondial. Tout à fait, en 1902, hein, bourse mondiale de la laine à Roubaix. Donc c'est là qu'on s'évalue la valeur de l'échange de laine au niveau mondial. Hein. Donc il n'y a aucune institution comparable aujourd'hui dans l'agglomération, par exemple. Effectivement, on faisait bien de rappeler, Antonio, que ces 90 communes, hein, la métropole européenne de Lille, et un contre-exemple, Marseille, c'est 800 000 habitants. Hein, c'est pas les 230 000 de Lille parmi 1 million. Bien, on va peut-être s'achever ici. En tout cas, on vous remercie. Je voudrais quand même préciser pour ce livre que ce livre n'est pas un pamphlet. Hein, c'est n'entend pas non plus polémiquer. Ce n'est pas un bouquin de journaliste, c'est un bouquin de chercheur avec un travail argumenté de sociologue et d'un urbaniste. Un mot, oui, trouble fête, vous avez ajouté ce mot. Et c'est Fabien le... Troubles fêtes. Les troubles fêtes ne sont pas là. D'accord. Mais on peut en dire deux mots. C'est juste le dernier chapitre qui est consacré à la culture. Mmh. En fait, pas à la culture en général et à tout ce qui peut se passer, mais à cet événement qui a eu lieu à partir de l'île 2004, en fait, hein, qui avait été construit par le haut, on va dire, ouais, par un comité qui s'appelle le comité Grand Lille, qui rassemblait en fait le patronat local, qui a bien sûr le consensus, qui a discuté aussi avec les élus pour avoir l'aval et puis pour porter l'événement, qui au départ espérait avoir peut-être un événement sportif du type les Jeux Olympiques, ce qui n'a pas marché et qui s'est retrouvé donc sur un autre projet qui est un projet culturel. Et on laissera les lecteurs découvrir l'analyse que nous pouvons en faire. Mais ouais, effectivement, l'adjectif de trouble fête vient un petit peu de ce chapitre où on est un peu plus critique sur la manière dont c'est organisé médiatiquement et puis politiquement, en fait, ce type d'événement. Il est effectivement question également du socialisme à Lille. Peut-être Fabien. Le fait aussi, c'est l'idée que le livre, et c'est un livre scientifique, mais c'est aussi un livre d'interpellation. Hein, c'est l'idée qu'on souhaite interpeller, renvoyer les élites politiques et économiques locales à la ville réelle aussi, pas seulement la ville imaginée, mais quelle est la situation de la ville et de ses habitants et de ses habitantes aujourd'hui. Antonio. Non, peut-être si on finit là, j'ai vu le panneau stop, juste pour dire que le 28 juin, il y aura une présentation du bouquin au local Angela Davis dans le quartier de Oisem, rue d'Artois. Et donc voilà, il y aura la possibilité de venir débattre en tout cas autour du bouquin ce jour-là. Allez, j'ai dit encore un mot. Moi, c'est un bouquin qui ne coûte que 10 euros. Et lisez-le et faites-le relire. Faites-le lire. Merci à tous. Merci. Bien plus tard et plus bonne à rien, boit une bonne bière au fond d'un bar et comme hier roule un pétard. Racine Carré se sent un peu seule, les yeux fardés, elle tire la gueule de la femme et du loup d'un soir du bal masqué aux urinoirs où elle s'écroule sur le carrelage de cette houle qui l'endommage. Dommage pour elle, disons-le bien, elle a le mal et l'air d'un chien. Un canidé atrophié, plus capable de lever la patte. Faut pacifier car c'est la guerre avec cette fille des Carpates. Elle est en lutte et elle survit contre la fuite de son ennemi. Mathématiques alcooliques, les divisions par zéro. Mathématiques d'alcoolique donne des visions. Aux héros, 100 euros qui sont payés. L'addition de ma diction m'écoute un peu étonné et multiplie les visions. C'était un groupe lillois, Merta, Métaphysique des mouches. Tu trouves toujours des musiques, Florent, qui m'épatent. René, tu vas nous parler des activités d'attaque. Oui, bien sûr. Donc déjà au plan national, tout d'abord quelques informations sur les événements prévus cet été. D'abord, l'Université d'été européenne des mouvements sociaux, elle se tiendra du 23 au 27 août à Toulouse, Université de Toulouse Jean Jaurès. L'Alter Village, rendez-vous du 27 juillet au 3 août à la cidrerie du Golfe, dans le Morbihan. 7 jours de créativité, de formation militante, d'enrichissement mutuel et de convivialité. Et enfin, Notre-Dame-des-Landes, rassemblement annuel le week-end du 8 et 9 juillet au lieu-dit le Chêne des Perrières. Appel d'Attaque France. Monsieur Macron, pas de fausses promesses pour la taxe sur les transactions financières. Emmanuel Macron a demandé le report de la discussion européenne concernant la taxe sur les transactions financières, ou TTF, pour donner des gages aux banques françaises. La TTF ne doit pas être sacrifiée sur l'autel de la finance. Il faut enjoindre le nouveau président à entériner l'accord européen. Vous pouvez vous engager en signant l'appel que vous trouverez sur le site d'Attaque France et en le diffusant largement autour de vous. Campagne pour un droit du travail protecteur des travailleuses et des travailleurs et front social. Alors, Attaque se mobilise pour une réforme du droit du travail qui renforce la protection des travailleuses et des travailleurs, à rebours de la feuille de route gouvernementale récemment annoncée. Cette nouvelle réforme risque en effet d'aller beaucoup plus loin dans la logique néolibérale que la loi El Khomri. De surcroît, le gouvernement veut aller vite en procédant par ordonnance. Attaque compte également s'impliquer activement dans les mobilisations à venir. Et justement à ce sujet, parallèlement, s'est créé récemment au plan national le Front social réunissant syndicats, associations, voire simples citoyens, etc., avec pour objectif de résister ensemble aux réformes et projets initiés au détriment des citoyens, à commencer justement par la réforme du droit du travail. Donc au plan local, ce front social s'est rapidement décliné donc, dans les provinces, quoi. Notamment dans notre département, avec la création du Front social Nord. Le comité local Attaque Flandre, bientôt suivi des 3 comités locaux de la métropole, ont décidé de rejoindre ce front social et de participer à la manifestation nationale prévue le lundi 19 juin contre Macron et ses ordonnances. Donc à Lille, le rendez-vous c'est bien sûr lundi 19 juin à 18h, place de la République. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Oui, espérons que nous sommes nombreux à cette manifestation qui doit marquer le coup juste après les élections et ce qu'on attend de raz-de-marée de macronistes sur l'ensemble du pays. C'est Florent qui va terminer avec le calendrier militant. Oui, donc conférence gesticulée « Hasta siempre la libertad » ou une autre histoire de la désintégration. C'est à partir de son histoire, celle d'une jeune femme, qu'elle questionne sur la notion de liberté et ce qu'elle recouvre dans la société contemporaine. C'est son histoire professionnelle aussi, celle d'une conseillère d'éducation populaire et de jeunesse passionnée qui évolue en tentant de surmonter les obstacles posés dans un contexte de restructuration de la fonction publique et de la politique de jeunesse. C'est aussi une histoire d'une musicienne un peu clown sur les bords, éprise de poésie, de slam et de trombone, qui aime raconter des histoires avec une mélodie qui va de Che Guevara, Pierre Perret, en passant notamment par Robespierre, Olympe de Gouges et Bakounine. C'est ce soir à 20h, au lieu autogéré de Liévin, le Lag, 23 avenue Jean Jaurès. Demain, au cinéma L'Univers, à 14h, après-midi, anti-répression policière, avec la conférence d'Assa Traoré, à l'occasion de la sortie de son livre « Lettres à Adama », Assa Traoré évoquera sa lutte pour rendre justice à son frère. La vie d'Assa Traoré a basculé le 19 juillet 2016, un soir où son frère cadet Adama est déclaré mort dans la cour de la gendarmerie de Persan. Main menottée dans le dos, face contre terre, asphyxiée. Suivi d'une rencontre avec plusieurs personnes victimes de la répression policière lors de la loi travail, d'une discussion et de la diffusion d'un documentaire. Donc, organisé par les objecteurs de croissance de Lille et Action antifasciste Nord-Pas-de-Calais. Toujours au cinéma L'Univers, mardi 20 juin à 19h, conférence sur les politiques migratoires par le collectif Confrontières de Grenoble. Un exposé pour comprendre la construction des notions d'État et de frontières, pour décrypter la logique coloniale de la gestion des frontières, pour expliquer les stratégies mises en place par l'Union européenne pour lutter contre son ennemi, l'immigration. Pour comprendre alors qu'on nous parle de libre circulation, pourquoi de plus en plus de gens meurent en traversant les frontières. C'est organisé par le collectif J'y suis, j'en reste. Travail, croissance, consommation, les injonctions politiques nous invitent à nous plier à ces dogmes. Et nous, que souhaite nous, quelle humanité, pour venir en débattre, faire émerger des perspectives de résistance et d'alternatives, imaginer une autre humanité. Les objecteurs de croissance 62 vous invitent le vendredi 23 juin à partir de 19h au lac de Diévin autour du documentaire écrit et réalisé par Grünger et Giraud, « La possibilité d'être humain ». Je vais terminer sur le comité ZAD qui organise le mardi 27 juin à 20h au Kinociné une projection, discussion, débat du film « Les pieds sur terre » en présence d'un des réalisateurs. Il s'agit d'un film dont la focale se fixe avec brio sur le hameau résistant du Limambou situé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On va s'arrêter là. Bien, c'est la dernière émission de la saison. Nous allons peut-être vous retrouver cet été. En tout cas, cet été, nous aurons à préparer la saison future. Prenez bien soin de vous. Prenez de bonnes vacances si vous en avez. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et puis donc, à bientôt sur les ondes de Radio Campus. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, mi seppellirei la sua montagna sotto l'ombra.